Et tu pas pourquoi? Quoi sert le bloc bombe? Est-ce que tu veux le bloc ou aller à la salle du grand?